c'est à ma couleur qu'ils en veulent. D'un raciste poussé à l'excès. J'ai escoté bestial qu'ils arrivent pas à dresser. Chute mes faiblesses, mon armure pour plus sentir les blessures. Mental d'acier pour les instants les plus obscurs. Pas le temps de se plaindre. Que la vie est dure, même si des peines perdurent par l'habit de pouvoir de grosse pourriture. La précipitation n'est jamais ton augure. Tiens bien le volant de ta vie avant de finir dans un mur. Leurs manipulations font des égarés, des tarés, des dangers publics. Bagouille politique, manifestation d'un peuple colérique, ambiance électrique. D'une bavure de con de flic, encore une histoire tragique. D'un business prolifique, d'une famille entière plongée dans un trafic, les dents sont dures. Cousins, pas pire que la famille en Afrique. On met en payer de leur vie pour leur idéologie. Les temps sont durs, à n'importe quel âge, regarde, ça vend de la pure. Les temps sont durs, on fait avec ce qu'on a, ça l'ombre d'un avenir sûr. Les temps sont durs pour qu'ils comprennent que c'est la merde, faut-il aller chier dans les yeux. Les temps sont durs, frérot, dans un monde d'escrocs, pour quelques euros, prêt à s'abattre que des animaux. Y'a plus qu'à crier haut et fort, ce que tout le monde pense. Tout passe sur mon pas sur un plateau télé à la série. Là, nous on a toujours les mêmes mensonges en boucle dans les médias. Mais aucun changement en vue dans l'immédiat. Système monétaire, on est fait comme des rats, la vie d'un être humain vaut plus que 100 carats. Manipulé à faire la guerre quand la vérité dérange, frère. Il tabatte contre ma Sankara. Encore un certain rue des cris, forte et la tentation. Sombrer dans la crapulerie, assoiffé fait cash. Comme en période de pénurie, des histoires trash. Jusqu'aux actes de barbarie, d'une balle perdue, d'un coup de chasse. Personne n'est à l'abri, aujourd'hui t'es riche, demain t'es sans abri. On tire dans les pattes, coup de crasse, on est d'être unis. Les temps sont durs, cousin, c'est pas prêt d'être fini. Les temps sont durs, à n'importe quel âge, regarde, ça vend de la pure. Les temps sont durs, on fait avec ce qu'on a, ça l'ombre d'un avenir sûr. Les temps sont durs pour qu'ils comprennent que c'est la merde, faut-il aller chier.